Prime Video présente l'ultime création, le documentaire événement. C'est le bon moment. Pour la première fois, Mylène Farmer se dévoile. M'approcher de vous, plus près. L'air est lourd de ton absence. De plus en plus près. L'air est sourd à nos sentiments. L'ultime création, le documentaire événement. Je marche et hop, après je commence à marcher plus vite et je m'envole. Disponible le 25 septembre, exclusivement sur Prime Video. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Dupont-la-Joie, 1975, un film saisissant, signé Yves Boisset, qui dépeint une partie de la société française de son époque, raciste et sans complexe. À l'été 1973, la France connaît en effet une vague de violences xénophobes, principalement axées contre les populations maghrébines, exactions connues sous le nom de ratonnades. Dans le Midi, notamment à Grasse et à Marseille, des travailleurs algériens sont agressés et même tués. Un été meurtrier qui va inspirer Yves Boisset, connu pour ses films populaires et surtout engagé. Le héros du film, Dupont-la-Joie, pour ne pas dire Ducon-la-Joie, est ce qu'on appelle un Français moyen, et dans son cas, très moyen. Bon vivant et spontané, amateur de charcuterie et de vin rouge, il est aussi libidineux que lâche, bête et raciste. Un racisme diffus, comme celui qui imbibe alors la France, ce racisme ordinaire, dit-on, qui mènera le personnage du film aux pires atrocités et qui pèsera jusque sur le tournage. Succès public et polémique, Dupont-la-Joie reflète la France d'hier et peut-être d'aujourd'hui. Notre invité, Julien Gartner, historien, enseignant à Sciences Po et directeur de la culture à l'Université Côte d'Azur. Il est aussi réalisateur. Son documentaire « Akawati, les derniers conteurs » est actuellement disponible sur la plateforme Tenk. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nous sommes en 1973. C'en est terminé les 30 glorieuses et du plein emploi. Retour sur terre, fin de la parenthèse enchantée. La France découvre le chômage. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas publie les circulaires Marcelin Fontanet qui restreignent la circulation des immigrés maghrébins sur le territoire pourtant autrefois encouragé. Une mesure qui va placer 83% des travailleurs migrants dans la clandestinité et renforcer leur précarité. Victimes de la crise économique qui frappe toute la France, les ouvriers maghrébins souffrent aussi de discriminations quotidiennes. Certains cafés leur interdisent l'entrée et de rancœurs persistantes liées à la guerre d'Algérie. Face à ce climat délétère et aux contrôles incessants de la police, les travailleurs nord-africains, selon l'appellation de l'époque, prennent la parole pour réclamer des salaires décents, des cartes de travail et du respect. Manifestations, occupations d'usines et grèves de la faim s'organisent dans toute la France, attirant l'attention de la gauche et des médias. Mais les revendications des travailleurs immigrés ne plaisent pas à tout le monde. Le 12 juin 1973, à Grasse, sur la Côte d'Azur, une manifestation de travailleurs tunisiens vire à l'expédition punitive. Tandis que la police procède à des interpellations massives, de petits commerçants de la ville, soutenus par le groupe d'extrême droite, Ordre Nouveau, ancêtre du Front National, se livrent à une véritable chasse à l'homme. Une ratonnade, la première de cet été 1973, qui fera 5 blessés, dont un grave, parmi les travailleurs immigrés. Mais c'est à Marseille, à la fin de l'été, que la situation va éclater, comme le racontent ces journalistes de l'ORTF. Marseille, le 25 août 1973. Un bus fou traverse une rue, à bord un passager dément avait poignardé le chauffeur, Émile Gerlache, et blessé plusieurs personnes. L'assassin, un Algérien reconnu par la suite comme irresponsable par les psychiatres, est arrêté. Un vent de violence et de haine raciale souffle alors sur Marseille, malgré les appels au calme des élus locaux, du préfet de police et des ecclésiastiques. Pendant que certains s'interrogent, comme le comité de défense des Marseillais, ou se recueillent, comme les familles des victimes, d'autres, excités par des groupes d'extrême droite, passent déjà à l'action. Le soir du crime, un Algérien était abattu dans la rue à coups de 22 longs rifles. Le lendemain, un autre Algérien de 16 ans, l'Adjlounès, est abattu dans la rue également. Les enquêteurs avaient alors établi que le jeune garçon avait été tué par 4 balles tirées depuis une voiture. Devant ces ratonnades, l'opinion publique s'émeut. Les associations de travailleurs immigrés organisent des manifestations silencieuses. Et dernière phase de cette triste période, le 19 septembre, soit 3 semaines après le premier drame, le gouvernement algérien décide de suspendre l'émigration algérienne en France en raison de la situation précaire de ses ressortissants. Après l'assassinat de Ladj Lounès, abattu le 28 août 1973, le mouvement des travailleurs arabes, le MTA, lance 6 jours plus tard une grève générale dans les usines de Marseille. Puis, partout en France, des milliers d'ouvriers et de commerçants maghrébins, comme ceux de Belleville à Paris, s'engagent pour défendre les droits des travailleurs immigrés et dénoncer le racisme. Futur sénateur Front National, Gabriel Domenech, le rédacteur en chef du Méridional, un journal marseillais de droite, écrit alors « Nous en avons assez, assez des voleurs algériens, assez des vandales algériens, assez des fanfarons algériens, assez des syphilitiques algériens, assez des violeurs algériens, assez des macros algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens. » Dans le sillage des nostalgiques de l'Algérie française, se développent en France des groupuscules d'extrême droite plus ou moins violents, comme le groupe terroriste Charles Martel, autoproclamé anti-arabe. Le 14 décembre 1973 à Marseille, le racisme va franchir un nouveau cap. C'est un acte ignoble qui vient d'être accompli, je ne trouve pas les mots pour le condamner. Voilà ce que vient de déclarer le consul général d'Algérie après l'attentat de Marseille. Je vous rappelle que ce matin, quelqu'un a lancé un pain de plastique de 10 kilos dans le hall du consulat d'Algérie à Marseille. Un premier bilan officiel fait état d'un mort et de 23 blessés, dont 10 dans un état grave. D'après certains sauveteurs, plusieurs de ces blessés seraient même dans un état désespéré. Les infirmiers ont d'ailleurs procédé à des transfusions sanguines dans les ambulances sans attendre d'être arrivés à l'hôpital. Bien sûr, la question que tout le monde se pose, pourquoi Gaston Defer, le député maire de Marseille, pense qu'il s'agit d'un attentat à la fois raciste et politique. On craint en tout cas de nouveaux incidents à Marseille, où vivent, je vous le rappelle, 50 000 Nord-Africains. 4 morts et 22 blessés, tel est le bilan de cet attentat revendiqué par le groupuscule d'extrême droite Charles Martel. Les témoins racontent les regards hagards, le sang sur les murs, les corps démembrés au milieu des débris. Pourtant, malgré l'émotion que l'attentat provoque en France, l'affaire est classée, enterrée, faute d'éléments suffisants. Attentats et ratonnades en Syrie ne connaîtront pas de suite judiciaire en cette fin d'année 73. Alors, Yves Boisset le sait, il tient son film et son sujet. Ce sera Dupont-la-Joie. En 1973, le réalisateur a 34 ans, 6 longs métrages au compteur et une réputation de franc-tireur. D'abord assistant de Jean-Pierre Melville, Sergio Leone ou Vittorio De Sica, il écrit également pour la rubrique Fait divers de Paris Jour avant de devenir critique. Amoureux de cinéma américain, il développe en tant que cinéaste un goût pour les narrations simples, efficaces. Un sujet clair, un montage énergique, une distribution impeccable, c'est ça un bon film pour lui. Mais s'il n'est pas le plus grand des techniciens, il sait ce qu'il veut raconter et ce qu'il veut dénoncer. Car Yves Boisset est un cinéaste engagé, et ses films sont politiques. Mais s'il préfère dire humaniste ou moraliste, ils sont politiques. Emblématique d'un certain cinéma des années 70, désenchanté, polémique, sulfureux, le réalisateur s'est attaqué à la guerre d'Algérie déjà, et à ses camps disciplinaires. Il a dénoncé également les méthodes policières et les agissements du SAC, cette milice au service des gaullistes. Avec ce nouveau film, alors que 30 Algériens sont morts dans des ratonnades en 73, c'est bien le racisme qu'Yves Boisset veut parler. Ainsi commence la genèse de Dupont-la-Joie. Qu'elle raconte ? C'est quand je tournais RAS, on était dans le désert, dans les OAS, et il y avait des Algériens vivant en France qui jouaient les harkis, qui jouaient les supplétifs musulmans, qui jouaient les félagas. Et le soir, on discutait, et ils me racontaient les ratonnades dont ils avaient été, soit les victimes, soit les témoins. Et ça m'a donné l'idée, leur récit, de faire un film sur les ratonnades. Et après, j'étais parti de l'idée d'un film purement dramatique, et j'ai eu l'idée, effectivement, de, pour mieux faire passer le propos, de faire un film qui tendrait vers la comédie, vers la caricature, pour renvoyer une sorte de miroir aux spectateurs. Biberonné au film policier, au thriller ou au drame, Yves Boisset se lance cette fois dans la comédie. Son inspiration, c'est en gros tous les sujets qui préoccupent les Français en 73. La bouffe, le sexe, les voitures, la télé, le racisme. Le réalisateur, qui estime que tous les Français sont plus ou moins racistes, veut faire un film sur le racisme qu'on dit ordinaire, des blagues bêtes et méchantes et des idées toutes faites, la connerie comme idéologie. Et celui qui va incarner cette bêtise diffuse, c'est donc Georges Lajoie. Patron de bistrot sur la place Saligre à Paris, Monsieur Lajoie est un homme apprécié de tous, cordial et généreux avec ses clients, des durions au comptoir, dit le réalisateur, à condition qu'il ne soit pas noir ou trop chevelu, bien sûr. Un monsieur tout le monde de la pire espèce qui, comme beaucoup de Français, passe ses vacances sur la Côte d'Azur. Georges Lajoie, sa femme et son fils prennent donc l'autoroute à 6 avec leur caravane flambant neuve, direction le camping Beau Soleil. Ils y retrouvent Loulou, le patron, un jovial pied noir et surtout leurs amis, dont les Colin et leur fille Brigitte. Un camping de privilégiés pour petits bourgeois, où l'on est entrepreneur dans le bâtiment, huissier ou commerçant. Un camping de braves gens, comme ils se définissent eux-mêmes, plein de préjugés et de lieux communs, où l'on est fier de sa charcuterie, sa caravane, son pinard, son camembert et son pays. De la bonhomie et quelques blagues racistes par-ci, par-là. Qui voici. L'essentiel du film se passe dans l'univers des vacances de Français moyens, c'est-à-dire dans un camping, un de ces merveilleux campings qui sont coincés entre une voie de chemin de fer et un autoroute, avec, dans le cas particulier, en prime, un immense chantier avec des bétonneuses, des marteaux, piqueurs, des défonceurs de sable, puisque en bordure de ce camping, on est en train de construire un immeuble magnifique qui est un de ces nombreux immeubles qui sont un des plus beaux fleurons de la Côte d'Azur depuis quelques années. Ce sont des gens qui sont venus avec leur caravane, leurs chiens, leurs femmes, leurs enfants, et qui à 5h de l'après-midi sont de braves gens en vacances, et qui à 10h du soir sont des assassins. En cours d'écriture, Jean Curtelin, dialoguiste à l'humour caustique, abandonne le scénario pour d'autres aventures. Yves Boisset, que nous venons d'entendre, fait alors appel à Claude Veillot, dont l'arrivée coïncide avec le changement de ton du film. Les braves gens, en effet, deviennent des assassins, et Dupont-Lajoie, un violeur. L'honnête père de famille, qui a l'habitude de pincer les fesses de sa serveuse, en pince cette fois pour Brigitte, la fille de ses amis et la petite copine de son fils de 18 ans. Oui, il la ziote, il l'épie, il la cherche, et il finit par la violer, et même par la tuer. Georges Lajoie, un peu choqué tout de même par ce qu'il vient de faire, reprend bien vite ses esprits. Il rhabille le corps de Brigitte et le transporte jusqu'à un chantier où travaillent des bicots, comme il les appelle, avec qui son groupe d'amis s'est un peu battu la veille pour une histoire de bouteille renversée. Le choix du viol, pour les deux scénaristes, n'est pas hasardeux. En France, les immigrés maghrébins sont souvent présentés par l'extrême droite, mais aussi par la presse, à coups de faits divers sordides, comme des hommes sexuellement déviants. À une époque où les femmes et la sexualité se libèrent, certains Français trouvent plus facile d'accuser les Arabes que d'interroger leurs propres tensions sexuelles. Dans le scénario d'Yves Boisset, la découverte du corps sans vie de la jeune Brigitte Colin va attiser la haine des braves gens du camping, sous l'œil rassuré de Georges Lajoie, qui voit les soupçons s'éloigner de sa personne. Oui, les campeurs s'échauffent. Putain, moi, si j'étais à sa place, je m'entends dire qu'il s'en tirerait pas comme ça, les nous, là. Allez, chouette, la police. Police, toi. On tue la fille de Colin, lui, il va se coucher, lui. Faut dire qu'avec les Arabes, il est pas allé chercher bien loin. Bon, absolument, mais je suis absolument d'accord avec monsieur. Et merde, s'il est aussi fort que ça, pourquoi il les arrête pas tout de suite? Il faut faire confiance à la police. Elle a sûrement ses raisons. Oui, alors vous voulez que je vous l'ai dit, ses raisons, à la police? Quand ils ont affaire à des Arabes, ils les ont comme ça. Ah, ça les flics avec les Arabes, hein, ils mouillent leurs pantalons. C'est vrai, ça, Colin, quoi. C'est pas parce que les flics ont les jetons qu'on va laisser s'en tirer comme ça, le mec qui a bousillé ta môme, non? Raison. Ne les écoute pas, Colin, ne les écoute pas. Dis donc, de quoi je me mêle, toi? Qui tu es, toi? J'ai dit simplement qu'il ne faut pas faire des conneries. La police, elle a peut-être ses défauts, mais c'est pas... C'est ça, oui, alors on va laisser les bougnoules se tirer tranquillement pendant qu'eux, ils vont roupiller, c'est ça? Il a raison, Colin. Faut y aller tout de suite, sans ça, après il sera trop tard. Foutez-lui la paix, Colin. Dis donc, toi, Lorital, mais c'est toi qui fais la loi ici? Depuis quand? Tu vas pas nous apprendre ce que c'est que des félouses, non? Ça va maintenant, je crois qu'il fallait chercher du loup, hein. Allez-y, je reste ici pour les casser. Effectivement, ça tourne mal. Saïd, un ouvrier du chantier où le cadavre a été retrouvé, battu à mort, la tête écrasée par une pierre, par un groupe de campeurs, dont Georges Lajoie. Les blagues salaces du début du film se sont muées en viol, et les remarques racistes au comptoir ont ratonné une meurtrière. Pour Yves Boisset, il s'agit de montrer que le racisme ordinaire n'est jamais inoffensif, et que les idées reçues, quand on ne cherche pas à les déjouer, peuvent tourner au drame. Comment allez-vous, monsieur le maire? Très honoré, messieurs. Hein, quelle belle journée, hein? Monsieur Léo Tartafion, en vertu des pouvoirs... Dans Dupont-la-Joie, comédie dramatique qui veut choc et polémique, qui voit ses 100 tours d'un casting de comédiens populaires. Jean-Pierre Marielle en Léo Tartafion, présentateur de jeux intercamping inspiré de Léon Zitrone. Victor Lanoux en ancien para de l'Algérie française, mais aussi la toute jeune Isabelle Huppert, Pascal Robert, Pierre Tornade, Robert Castel et surtout Jean Carmet. Si tous incarnent un possible archétype du français lambda, Yves Boisset dit « français quotidien », c'est Jean Carmet qui en est l'incarnation la plus parfaite. Dès l'écriture, le réalisateur pense à l'acteur de Grand Blond avec une chaussure noire qui est aussi son ami intime. Né en Touraine, dans un milieu très simple, amateur de vin et de bons mots, Jean Carmet est devenu, comme il l'aime à le dire, le copain des spectateurs. Abonné au rôle comique, celui que ses amis appellent Jean-Jean, rappelle souvent sa taille sur les plateaux, 1m66, et assume son côté monsieur tout le monde, bon vivant, rassurant. Il se raconte chez Jacques Chancel sur France Inter. Il fallait trouver un moyen... Un moyen de le véhiculer pendant 1h35 ou 1h40 avec les mauvais sentiments ou la vulgarité qu'il exprimait. Je cherchais, je ne dirais pas une excuse dans ses chromosomes, mais j'avais une volonté de savoir ce qu'il était avant et comment étaient ses parents et comment il avait été éduqué. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu de choses dans ma famille, j'ai tellement entendu de lieux communs. Hein, et j'habitais dans un milieu extrêmement paisible et ce sont vraiment de très très braves gens, mais j'entendais de tels lieux communs qui se sont avérés des lieux communs dangereux. Si j'avais pas eu la possibilité moi-même de me rendre compte du danger de certaines phrases, j'aurais certainement atterri dans une mentalité que je n'aimerais pas avoir. Lorsque Boisset propose à Jean Carmet d'incarner Georges Lajoie, l'acteur de 54 ans n'hésite pas. Lui qui a plutôt l'habitude de la comédie et des bons sentiments, il accepte de mettre son physique passe-partout au service d'un personnage à la fois raciste, libidineux, rustre et violent. Après ce film, je risque d'être pour un moment au chômage, alors promets-moi qu'il y aura toujours chez toi un canapé et un bol de soupe pour moi, annonce-t-il avec humour au réalisateur. Ensemble, les deux hommes vont peaufiner le personnage de Georges Lajoie. Il s'inspire notamment du patron d'un bistrot du boulevard Raspail à Paris, un homme débonnaire et raciste, qui tripote la serveuse quand sa femme a le dos tourné et qui refuse les toilettes aux garçons qui ont les cheveux longs. Jean Carmet, de son côté, s'attelle à comprendre son personnage en le passant au prisme de son propre vécu. Je suis un Français moyen, c'est-à-dire que j'ai mon physique sur lequel on ne peut pas... Évidemment, on ne peut pas passer sur son physique. Le cinéma est un art de naturel qui demande... qu'on doit faire sans phare, enfin c'est mon opinion à moi. J'ai pas un physique, bien sûr, j'ai pas un physique d'archevêque, j'ai plutôt un physique de curé de campagne. Alors, évidemment, je suis limité à certains emplois, mais le physique de râleur, de pas méchant. Au contraire, j'évolue beaucoup. J'ai l'impression que depuis, par exemple, le Grand Blond, avec une chaussure noire, là, on m'a donné un peu de crédit. À partir de ce moment-là, je peux un peu décider de ma carrière. J'ai tourné des personnages très différents, souvent dans des milieux semblables. Et puis, j'ai tourné Dupont-la-Joie l'année dernière, qui est un sous-homme, là. Là, justement, j'ai fait quelque chose, j'ai joué un personnage inquiétant. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, de mon âge pour partager mon bonheur. Dimanche 31 août 1974, c'est dans la bonne humeur que commence le tournage de Dupont-la-Joie sur la plage de Saint-Égulf, dans le Var. Après tout, le soleil brille, le réalisateur est serein et les acteurs sont heureux d'être là. Un tournage à la plage, ce n'est pas des vacances, mais ça y ressemble. Il y a de la joie et tout le monde est sur le pont. Cependant, l'équipe du film va rapidement être confrontée à l'animosité de certains habitants de la région qui ne regardent pas d'un bon œil ce réalisateur parisien inspiré par les ratonnades de l'été précédent. L'affaire est sensible dans le Var et les autorités locales retirent plusieurs autorisations de tournage, sans doute pour éviter les troubles à l'ordre public que le film pourrait provoquer. En vain, puisque le camping, principal décor de Dupont-la-Joie, est attaqué par le groupe extrémiste Charles Martel à coups de grenades et de cocktails Molotov. Ce même groupuscule avait, rappelons-le, mené un attentat contre le consulat d'Algérie à Marseille le 14 décembre 1973, provoquant la mort de 4 personnes. Sur le plateau, Nivoisé, l'ambiance se tend quelque peu. D'autant que l'équipe n'est pas au bout de ses peines. Au casting de Dupont-la-Joie, plusieurs acteurs maghrébins, dont le célèbre comédien algérien Mohamed Zinette et Abderrahman Benkloua, doivent dormir dans un hôtel, à Toulon. À l'époque, les acteurs immigrés sont très rares au cinéma, et a fortiori dans le cinéma grand public. Certains font de la figuration dans les scènes d'usine ou de chantier, mais ils restent peu visibles. Relégués à la marge de la ville, dans des bidonvilles et des HLM de banlieue, ils le sont aussi au cinéma. Pour le patron de l'hôtel qui doit les accueillir, à Toulon, un acteur est forcément blanc. Ça va de soi. Un hôtel dans lequel on logeait les comédiens arabes, on avait été prévenu qu'on allait loger chez lui les comédiens. Et le patron de l'hôtel, c'était un hôtel tout à fait moyen d'ailleurs, mais le patron de l'hôtel était tout fier et tout à fait ravi d'accueillir les acteurs. Et quand il a vu arriver, il se trouve que par un hasard de train et d'avion, ceux qui sont arrivés les premiers dans son hôtel, c'étaient les 4 comédiens arabes. Alors il était descendu avec sa plus belle cravate et son plus beau gilet dans le hall de son hôtel. Et quand il a vu arriver les 4 comédiens arabes, il a dit au régisseur « Quoi, c'est ça vos comédiens ? Ah ben alors là, vous pouvez les ramener, hein, parce que ici, c'est pas un hôtel à Bico. Hein. » Témoignage d'Yves Boissé. C'est à Toulon, où les acteurs logent pendant une partie du tournage, que la violence raciste va exploser. Abderrahman Benkloua, le comédien qui joue Saïd, l'ouvrier battu à mort par les campeurs, est agressé en pleine rue par un groupe de 4 hommes qui le matraquent et lui tirent dessus. Le racisme qu'Yves Boissé dénonce dans son film s'incarne dans le réel. Très gravement blessé, le crâne fracturé, l'acteur ne reprend pas le tournage. La police locale retrouve rapidement l'un des agresseurs hospitalisé où Abderrahman Benkloua est lui-même soigné. L'homme s'est retrouvé avec une balle de son propre pistolet dans le postérieur après qu'elle a ricoché sur une voiture. Mais les enquêteurs dissuadent l'acteur de porter plainte. Non, il vaut mieux s'écraser plutôt que de lancer des procédures qui pourraient s'avérer dangereuses pour lui. Abderrahman Benkloua et Yves Boissé décident de ne pas mener l'affaire devant la justice. Une nouvelle fois, le réel et la fiction se rejoignent. Car dans le scénario de Dupont-Lajoie, l'inspecteur Boulard, qui souhaite rendre équitablement la justice et punir les coupables de la ratonnade, est contraint d'enterrer l'affaire. Mais vous faire croire qu'il s'agit d'un règlement de compte entre Algériens, affirme sa hiérarchie. Extrait. Monsieur Boulard, ne croyez pas que nous mésestimons votre travail. Monsieur le ministre a insisté personnellement pour que je me déplace. Très touché, monsieur Boulard, de considération. Des histoires comme celle-là, nous en avons 3 par mois en France. Notre politique est de leur éviter toute publicité. Mais j'ai tout fait, quoi. Monsieur Boulard, le racisme me répugne autant qu'à vous. Et je puis vous assurer qu'en haut lieu, on est décidé à tout mettre en œuvre pour empêcher de se développer le climat de racisme larvé qui existe dans ces pays, parce qu'il existe. Et vous savez, comme moi, que la moindre étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Inculper des Français, d'honnêtes pères de famille en vacances, pour cette ratonnade, et demain vous avez des incidents anti-arabes à Toulon, à Marseille, à Nice, partout. J'ai donné ma parole d'aller jusqu'au bout de cette enquête. Et j'irai jusqu'au bout. Après le tournage, place au montage. Yves Boisset se retrouve confronté à un choix qui pourrait changer le message du film. Car le réalisateur de Dupont-Lajoie a tourné 2 fins lors du tournage. Dans la première, Georges Lajoie, sombre et éméché, se vante au comptoir de son bistrot parisien d'avoir cassé la gueule à 15 arabes. Un homme entre alors dans le café et le tue. C'est le frère de Saïd, l'ouvrier tabassé à mort par les campeurs. Il vient se venger. Dans l'autre fin, personne n'entre dans le café. La femme de Georges Lajoie lui conseille de se taire. Et la vie continue comme si de rien n'était. Pour aider sa décision, Yves Boisset organise une projection test devant un public d'ouvriers de chez Renault. L'une des 2 fins possibles provoque le débat que le réalisateur appelle de ses vœux. Et il fait son choix. Et vous étiez combien? T'es 3-4, quoi. Faut le faire. Il faut le faire. Tu les avais vus cavaler? Chier dans leur froc, les bicots. On leur a foutu une volée. On leur a montré. C'était nous, les patrons. C'est vrai qu'en France, on est chez nous. Ah, tu parles, tu vois. Je te rappelle mon frère. Mon frère. La Commission nationale de censure demande l'interdiction de Dupont-Lajoie aux moins de 16 ans. Pour les diffuseurs, cette classification signerait l'arrêt de mort du film. Et tout ça pour 2 plans. Le pubis d'Isabelle Huppert, pendant la scène de viol, et le crâne de Saïd, victime de la ratonnade, qui heurte le sol. Pour sauver son film, Yves Boisset va contourner la censure, pour ne pas dire l'arnaquer. Il entaille la pellicule au niveau de ses 2 images afin de donner l'impression qu'il a enlevé les plans en question. Mais, en réalité, aucune image n'a été ôtée. Le film qui sort est le même que celui que les censeurs ont censuré. Dupont-Lajoie, d'une durée d'1h40, sort donc dans les salles le 26 février 1975, sous la classification « Interdit aux moins de 13 ans ». Boisset se rend avec les distributeurs du film au Marignan, un cinéma parisien sur les Champs-Élysées pour sonder l'atmosphère. Mauvaise surprise, la salle est presque vide. Le réalisateur aimerait faire confiance à l'ouvreuse qui lui assure que le film sera un succès, mais il a le sentiment amer que son Dupont-Lajoie est mal accueilli. Les spectateurs le regardent avec mépris. Ils ne le sentent pas. De fait, le film ne connaît pas de début facile. Certaines salles refusent de le diffuser. Le cinéma pâté de la place Clichy à Paris craint par exemple qu'il n'attire des immigrés, ce qui pourrait déplaire à sa clientèle. À Grasse, sur la Côte d'Azur, Dupont-Lajoie est interdit par le préfet pour risque de trouble à l'ordre public. Car dans plusieurs cinémas du Midi, le public a très mal réagi, allant jusqu'à jeter des grenades au plâtre dans la salle. Bref, le film fait polémique et les critiques des cinéphiles ne vont pas rassurer Yves Boisset. Le masque et la plume, par exemple, est unanime. Dupont-Lajoie, Yves Boisset, un mot de chacun là-dessus. Ah oui, non. Oui, Gilles Jacob. Non, moi je suis de l'avis inverse de monsieur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je le trouve caricatural, oui, mais... C'est un peu caricatural. Bon, Michel Mort. Oui, aussi, c'est un peu plutôt... caricatural, mais c'est abusant. Georges Charançon. Tout en moi aussi, là, le début. Un mot chacun, Charançon. Le mot caricatural dit un minimum d'esprit, et alors que c'est un film d'une telle bêtise, d'une telle vulgarité, que le mot caricatural ne saurait le caractériser. Ah. Caricaturales, mais aussi manichéens, démonstratives, ce sont les reproches que beaucoup de critiques adressent au film d'Yves Boisset. De fait, Dupont-Lajoie oppose schématiquement le français moyen, raciste, criminel, coupable, aux travailleurs immigrés, exclus, brutalisés, victimes. Une simplification du bien et du mal que le réalisateur reconnaît et qu'il a accentué afin de provoquer le spectateur, de le pousser dans ses retranchements. Beaucoup de critiques, comme Jacques Sellier du Monde, Michel Morte du Figaro, considèrent que le viol et le meurtre, c'est trop gros pour être vrai. Un incident envenimé aurait suffi, écrit le critique du Monde, qui estime qu'Yves Boisset a dramatisé à outrance, au risque d'en faire trop. Pour d'autres, comme Henri Rabin dans La Croix, le film est certes outrancier, voire un peu vulgaire, mais il est nécessaire. Yves Boisset, écrit-il, tourne ses films comme on donne des coups de poing, et il arrive à notre pourfendeur de jeter le bébé avec l'eau du bain. N'empêche qu'après, on se sent mieux. Et puis finalement, au masque et la plume, on a aussi ses défenseurs. Oui. Pardon, non, je voulais dire simplement un mot sur Dupont-Lajoie. Ah mais attends, quel âge tu as ? Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Non, non, mais j'ai plus de 13 ans, j'ai pu voir le film. Et je voulais vraiment dire un mot sur Dupont-Lajoie. Je trouve que c'est totalement une honte que vous trois messieurs vous criez contre Dupont-Lajoie, parce que c'est un film qui est absolument nécessaire. Il fallait cette caricature dans le film, parce que si ça n'avait pas été une caricature, ce film aurait été lamentable. Et laissez-le parler. Il se serait perdu dans des considérations ridicules comme on en a déjà vu au cinéma. Laissez-le parler, Charles-Saul, je vous tue. Bon, Il fallait cette caricature. Bon, sinon, ce n'est pas un film extraordinaire. Ce n'est pas Visconti ni Orson Welles. C'est simplement Yves Boisset. Mais Yves Boisset qui dit quelque chose de très, très juste. Bon. Et il faut moi, je trouve qu'il faut absolument le voir. Bref, Dupont-Lajoie est un film polémique. Et il attire à sa sortie en 1975 les critiques en tout genre. Rire du français moyen, celui qui va au camping et qui boit du pastis, considèrent certains. C'est du mépris de classe. D'autres, comme le journal Libération, reprochent à Yves Boisset de ne pas analyser les causes du racisme et d'en faire une maladie spontanée, hors sol. Le racisme ne vient pas du bas mais du haut, dénonce le journaliste de Libé à la sortie du film. Tandis que d'autres y voient le signe d'une rupture entre les classes populaires et la gauche dont se revendique le réalisateur. Dans Libération également est publiée la lettre assassine d'une lectrice qui déplore la froideur avec laquelle le viol est traité, comme un élément de récit parmi d'autres. Puis laissé de côté sans être vengé comme l'est le crime raciste. « Je crache sur les antiracistes sexistes », écrit la lectrice. Caricatural, bourgeois, phallocrate et même raciste, à chacun sa critique. Sur France Inter, Jean-Marie Le Pen donne lui aussi son avis au micro de Jean-Pierre Alcabache. Est-ce que vous pensez, Jean-Marie Le Pen, que c'est le rôle du cinéma de présenter tel film ? Est-ce que c'est un film utile, à votre avis ? Une action utile dans la France d'aujourd'hui ? Je crois que le cinéma s'accorde maintenant toutes les libertés. Par conséquent, on n'a plus à les lui donner. Monsieur Boisset dit là qu'il a voulu faire un film sur le racisme. Il s'est un petit peu spécialisé dans le genre et je lui prédis d'ailleurs une très grande carrière parce que en ramant dans le sens du conformisme général, qui dans notre pays est largement antiraciste, il est à peu près sûr d'être encensé par la presse, la radio, la télévision et le cinéma et il faut dire que ça doit avoir une certaine conséquence sur les recettes, c'est toute la grâce que je lui souhaite. Contrairement à ce qu'affirme Jean-Marie Le Pen, dont le parti a été fondé 2 ans auparavant, le film n'est pas du tout encensé par la presse, on l'a vu d'ailleurs. Cependant, l'ouvreuse du cinéma Le Marignan avait vu juste lorsqu'elle rassurait un Yves Boisset inquiet lors des premiers jours d'exploitation. Car au bout du compte, Dupont-Lajoie est un succès commercial. Après des débuts mollassons, le film se hisse en tête du box-office pendant 8 semaines et cumulera près d'1,5 million d'entrées. Dans les salles, le public applaudit et une vague d'émotions s'empare de la France. Dupont-Lajoie inspire les médias qui s'emparent de cette question « Les Français sont-ils racistes ?» Le film reçoit l'Ours d'argent au Festival de Berlin de 1975 et son titre devient une expression communément utilisée pour désigner celui qu'on appelle aujourd'hui le beauf. Avec Dupont-Lajoie, Yves Boisset a obtenu ce qu'il souhaitait, créer la polémique, non pas pour le plaisir de choquer ou de déplaire, mais pour questionner, débattre. La démonstration du cinéaste, qu'on lui aura parfois reproché, trouve sa force dans l'inspiration unique d'Yves Boisset, le réel. Bien que certains critiques considèrent alors que l'intrigue du film est invraisemblable, les drames qui ponctuent le tournage, eux, viennent rappeler que parfois la réalité rattrape la fiction. Au point que les spectateurs eux-mêmes y perdent l'équilibre. L'acteur Jean Carmé, qui joue Georges Lajoie, sera un temps confondu avec son ignoble personnage. Pris à partie et menacé dans la rue, agressé dans son pavillon de banlieue, l'acteur se repliera un temps sur lui-même, choqué d'avoir si profondément incarné la bêtise à l'état pur. Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit sont plus bronzés que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la tché là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'homme. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traits de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, le film Dupont-Lajoie qui parle d'un film, certes, mais qui parle surtout d'une société à une époque donnée, et avec ses résonances aussi. Notre invité, Julien Gartner, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, enseignant, chercheur, directeur de la culture à l'Université Côte d'Azur et documentariste. Votre documentaire à Kawati, Les Derniers Compteurs, est actuellement disponible sur la plateforme Tank. Nous allons donc revenir ensemble sur la place stéréotypée dans le cinéma français de celui que vous désignez, vous, dans vos travaux de recherche, comme l'arabe. Dans votre thèse, vous utilisez des guillemets autour du mot « arabe », l'image de l'arabe dans le cinéma français, l'arabe sur les écrans en France. C'est donc toujours un stéréotype dont on fixe l'identité, entre guillemets? Ça l'a été pendant très longtemps, et ça l'a été aussi durant le cinéma colonial. C'est une image, celle de l'arabe, entre guillemets, qui vient de loin, et je mets des guillemets justement parce que, évidemment, derrière ce terme de l'arabe, ça recouvre plein de réalités différentes, mais néanmoins, c'est le thème qui tient lieu de mot principal dans l'opinion publique. On reconnaît l'immigré sous le terme d'arabe. C'est à la fois de l'héritage colonial, c'est un terme aussi post-guerre d'Algérie. Et cet arabe, il va effectivement rester un stéréotype dans le cinéma français, à peu près jusqu'au début des années 2000, milieu des années 90, on va voir des personnages un peu plus complexes qui vont se dessiner, et des personnages un peu plus complexes, notamment que ceux de Dupont-Lajoie, où les personnages arabes, entre guillemets, ou les immigrés maghrébins sont quand même relégués à des seconds rôles. Alors, une autre figure de l'arabe au cinéma en France, c'est le sultan, cupide, violeur, par exemple. Effectivement, l'image du sultan, c'est une image qui résonne avec le choc pétrolier. C'est pas un hasard si elle arrive sur les écrans français à partir du milieu des années 70. Le sultan libidineux, il arrive dans Angélique et le sultan, cette immense fresque du début des années 60, et puis il revient au milieu des années 70, donc au moment du choc pétrolier où la France s'inquiète pour ses économies et voit le danger non seulement auprès des immigrés maghrébins, mais aussi auprès de ces Arabes, toujours entre guillemets, qui sont les émirs du Golfe et qui menacent notre économie nationale. Donc du coup, on voit fleurir tout un tas de films sur les écrans français. Ça va jusqu'à L'émir préfère les blondes, hein, au début des années 80. Il y a tout un tas de titres comme ça évocateurs. Pétrole, j'en passe et d'autres, dans lequel vous retrouvez Bertrand Blier et d'autres immenses acteurs du cinéma français. Donc il y a toute une vague comme ça de pantalonnade qui représente un sultan qui fait évidemment écho avec un contexte géopolitique du milieu des années 70. Bien sûr, crise pétrolière en 73 avec toutes les conséquences que l'on connaît. Au moment où sort Dupont-Lajoie, d'Yves Boisset, nous sommes donc en 1975. Quelle place ont les hommes maghrébins dans les films français. Je parle même pas des femmes. Tiens, on pourra en parler après, mais pour l'instant, les hommes maghrébins. Les hommes maghrébins sont évidemment extrêmement rares. Il y a eu quelques tentatives de les mettre au premier plan. Des tentatives qui se sont soldées par d'immenses polémiques, hein, comme celle de Dupont-Lajoie. Je prends l'exemple de Élise de la vraie vie, qui est un film de Michel Drac, qui est adapté d'un roman, hein, de Claire Etchegaray, qui, le film sort au début des années 70. Il est présenté au Festival de Cannes et il déclenche la polémique. On accusera Michel Drac d'avoir fait un film pro-FLN, notamment. Et je vous rappelle que Élise de la vraie vie, c'est l'histoire d'amour entre une jeune Française et un ouvrier algérien, et qu'évidemment c'est une histoire d'amour complètement impossible. Donc une polémique au début des années 70 avec Élise de la vraie vie, puis après vraiment des rôles secondaires, et surtout l'immigré maghrébin dans les années 70 est un personnage tourné en dérision, perpétuellement mis en scène dans des comédies, et quelque part à cette période on a l'impression qu'au on le met à distance par le rire. L'humour est une forme d'arme. D'ailleurs, on le voit dans des sketchs de comiques comme Pierre Péchin, La Cigale et la Fourmi, vous vous en rappelez fort probablement. Oh oui, oh oui. Donc le cinéma se fait écho de cet état d'esprit, de cet état de l'opinion. En quelque sorte, on peut rire de ces immigrés parce qu'on pense alors qu'ils ne vont pas rester. Et alors, concernant les femmes immigrées maghrébines, on n'en a pas au cinéma à cette époque-là. Où est-ce qu'on en a quand même? Est-ce qu'on en trouve? On en trouve extrêmement peu, on en trouve un petit peu plus au début des années 80, et souvent elles vont être elles aussi renvoyées aux marges. Et là encore, c'est un véritable héritage du cinéma colonial, puisque le cinéma colonial avait tendance à mettre en scène les femmes maghrébines à travers le rôle des moukères, qui souvent étaient des prostituées au service des légionnaires, comme dans le film La Bandera de Julien Duvivier, par exemple, avec Jean Gabin. Et c'est cette image de la moukère, de la prostituée, de la fille facile, aux mœurs légères, Elle va durer jusqu'au début, milieu des années 80, dans toute une série de films policiers, dans lesquels les hommes ne sont plus des travailleurs immigrés, mais des dealers désormais, et dans lesquels les femmes deviennent des prostituées. Quand on va au cinéma aujourd'hui, on se dit qu'on a fait des progrès, et c'est tant mieux. On a fait des progrès, évidemment. Tout n'est pas réglé, mais on a fait des progrès. On a fait des progrès immenses. Je pense aussi qu'il y a un état de l'opinion publique qui fait qu'on ne peut plus, évidemment, se permettre les mêmes choses. Et ça bascule véritablement au milieu des années 90. Tout le monde a vu au moins un film de la saga Taxi. Il y a eu 5 volets de la saga Taxi, dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Daniel Morales, qui est incarné par un acteur qui s'appelle Samy Nasseri, qui dans la vraie vie s'appelle Saïd. Donc on peut aussi là se questionner sur le fait qu'on ait besoin de la pièce de Daniel Morales. Mais néanmoins, ce personnage de Daniel Morales, c'est le plus vu de l'histoire du cinéma français. Si on cumule les entrées des 5 taxis, on arrive quasiment à 30 millions d'entrées, ce qui est un chiffre absolument énorme. Et c'est un héros qui va être très populaire, donc on le mesure par le nombre d'entrées, on va l'identifier, on va lui mettre le maillot de Zinedine Zidane sur le dos. Donc au milieu des années 90, il y a comme ça un tournant, on a des premiers héros d'origine maghrébine sur grand écran, et ça va de pair aussi avec un mouvement de l'opinion, notamment sur les victoires de l'équipe de France, etc. Donc il y a un tournant, et puis aussi il y a une génération d'acteurs qui arrivent, il y a Roche Dizem, il y a Samy Bouajila, il y aura un peu plus tard Hélène Labelty, Tahar Rahim, qui sont des acteurs qui vont avoir de nombreux prix au César ou dans des festivals. Donc en plus, à leur présence, il y a une véritable reconnaissance artistique qui se met en place et qui va aussi de pair avec une reconnaissance de réalisateurs comme Karim Dribdi, Mehdi Sharef et d'autres. Mehdi Sharef est une sorte de père fondateur, c'est vraiment le précurseur Mehdi Sharef. Même si, au début des années 70, il y a des cinéastes comme Ali Ranem qui font des films dans les bidonvilles, sur les immigrés, en noir et blanc, avec très peu de moyens, des films qui font 5000 entrées en France, mais qui laissent déjà une toute petite trace pour l'historien et qui montrent que déjà, on essayait de raconter ces histoires. Alors, je parle de Mehdi Sharef, puisqu'en 1985, son film Le Théo Harem d'Archimède, je rappelle qu'il est cinéaste d'origine algérienne, arrivé à 10 ans en France, en 1962. Alors, ce film est très bien reçu par la critique et par le monde du cinéma. Il reçoit même une récompense, rare, peut-être inédite d'ailleurs, pour un réalisateur immigré lors des Césars. On écoute Mehdi Sharef. Le gagnant est Le Théo Harem d'Archimède. Mehdi Sharef. Je sais pas, il y a telle chose qui se passe dans la tête, là, en un quart de seconde, et puis... Je sais pas ce qui passe, je vois une gare. Je vois un bateau, une gare, la gare d'Austerlitz. C'était, je sais pas, il y a 25 ans, je crois. Un bidonville, puis on se retrouve là, c'est... Alors notre réalisateur a eu la bonne idée de laisser ce silence au milieu qui traduit toute l'émotion de Charef. C'est un moment important. Julien Gartner, quel changement en 12 ans, même pas 10 ans d'écart, puisqu'on parlait de Dupont-la-Joie 1975. Là, c'est 1985. Donc les changements ont été finalement assez rapides, et tant mieux. Alors c'est quand même une exception hein, au milieu des années 80, Mehdi Charef, il faut quand même attendre une dizaine d'années avant qu'il y ait une vraie émergence de cinéastes, d'acteurs français d'origine maghrébine. Voilà, donc il faut quand même un peu de temps. Et puis je pense qu'on peut faire un parallèle entre Mehdi Charef et un personnage, un acteur de Dupont-la-Joie qui s'appelle Mohamed Zinette. Mohamed Zinette, qui joue donc le rôle de l'espèce de justicier à la fin qui va assassiner Georges Lajoie dans son café. Mohamed Zinette est un immense acteur qui est un des fondateurs du Théâtre National Algérien. Il est assistant réalisateur de Gilon Protecorvo sur la bataille d'Alger. Il est réalisateur d'un incroyable film qui s'appelle Tahria Yadidou et il va mourir dans l'anonymat en France en 1995. Il n'aura fait que des seconds rôles et finalement il ne restera connu que pour ce rôle de Dupont-la-Joie et pour son dernier rôle au cinéma français. Beaucoup d'entre nous s'en rappellent, dans Les Sous-doués de Claude Zidi, c'est lui le terroriste à la couscoussière piégée qui rate son attentat avec cette fameuse formule « Notre peuple vaincra ». Et donc Mohamed Zinette, c'est vraiment l'exemple aussi d'un immense acteur, d'un grand talent, totalement oublié. Et effectivement, 10 ans plus tard, on voit déjà avec Mehdi Charef que ça commence à changer, mais c'est un tout petit déclic. Julien Gartner, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Prince Fatih. Take me as I am, prends-moi comme je suis. Bah, c'est de circonstance pour le sujet évoqué dans l'émission. Strangle you like an anaconda. Just the way you are, make it much better. When the Indians turn up on the mind center. I am. Julien Gardner, on parlait tout à l'heure du Théorème d'Archimède, sorti en 1985, et vous me disiez que ça faisait quand même figure d'exception, et qu'il fallait attendre une petite dizaine d'années pour voir un vrai tournant au milieu des années 90. Concrètement, quelques titres de films qui pourraient illustrer cela ? Bye Bye de Karim Dridi, l'histoire, enfin le premier rôle de, le premier grand rôle de Samy Bouajila, c'est l'histoire de deux frangins qui prennent la route, qui doivent traverser la Méditerranée pour retourner en Tunisie, ils s'arrêtent à Marseille dans leur famille, et puis la question se pose, vont-ils rester, vont-ils partir ? Voilà, énorme sujet, énorme questionnement. Je vous invite à voir ou à revoir ce film Bye Bye, et puis à côté de Bye Bye, il y a aussi tout ce qu'on appelle alors les films de banlieue, dans lesquels, pour la première fois, il y a des acteurs français d'origine maghrébine dans les premiers rôles. Je pense à Saïd Tagmaoui dans La Haine, succès inattendu. Et puis surtout, ces succès sont concomitants avec un nouveau type de salle, que sont les multiplexes, qui sont situés à la périphérie des grandes villes. Et on se rend compte qu'il y a un public, une sociologie des publics qui change, et un public d'origine immigrée, un public plus divers, qui se rend dans les salles de cinéma. Et par conséquent, les producteurs, à mon avis, comprennent ici bien l'intérêt de ce nouveau public, et donc de mettre des héros qui sont moins caricaturaux que ceux qu'on avait tendance à voir dans les années 70 ou 80. Est-ce qu'on pourrait parler de nouvelle vague pour décrire cette génération de cinéastes immigrés ou fils d'immigrés dont Mehdi Sharef fait partie, mais on l'a dit aussi, Rachid Bouchareb ou Karim Dridi ? Ou Karim Dridi, Abdelatif Kechiche, Rabah Ammerzaimech, il y en a tellement, surtout Kechiche, qui a raflé un nombre de récompenses assez incroyable, de sa palme d'or à ses très nombreux Césars. Effectivement, c'est une espèce de nouvelle vague, parce que ils ont été extrêmement longtemps à la marge du cinéma français, et on peut imaginer les efforts qu'il a fallu, et surtout leur présence aujourd'hui, c'est quand même une trace qu'il y a quelque chose qui va mieux dans la société française. Dupont-Lajoie s'inspire de terribles faits divers du début des années 70. Vous avez parlé de 73, et c'est vrai qu'on peut parler aussi des années précédentes. Hein. Il y a le meurtre de Djilali Ben Ali qui heurte l'opinion, qui mobilise Sartre et Michel Foucault en 71, et il y a quand même Cette énorme vague d'arabicides dans le sud de la France. On parle de ratonnade, mais il y a un journaliste italien qui s'appelle Fausto Giudice qui parle, lui, d'arabicide. On a quand même franchi un grand pas par rapport à cette période. Certes, beaucoup reste à faire, mais néanmoins, avec le recul, je pense que Dupont-Lajoie, dont vous avez extrêmement bien parlé, on se rend compte de la valeur pédagogique de ce film et de ce succès au long terme extrêmement important, parce que Dupont-Lajoie, c'est l'antithèse du discours politique du milieu des années 70 et notamment de 73. Mais qui essayait de cacher la réalité du racisme. Mais qui disait clairement, Pompidou en conférence de presse, ou le porte-parole de l'Élysée, qui s'appelle Olivier Stirn à l'époque, enfin le porte-parole du gouvernement, qui disent, le racisme, n'en parlons pas. Et effectivement, il faut pas en parler, parce que si on en parle, ça va réveiller cette sorte de vieux démon. Et du coup, le fait de ne pas avoir traité ce sujet-là, peut-être alors qu'il émerge au début des années 70, eh bien, a fait connaître à la société française un certain retard, ou en tout cas a fait naître une forme de déni sur ce sujet. Très bien, merci infiniment Julien Gardner pour tous vos éclairages. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Dupont-Lajoie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Jérémy Guillon.